Allez, on y est presque. En plus, la musique est putain appropriée. Que demander de plus? C'est vrai, ouais, mais dis-moi, quand t'as dit quelques jours de marche pour arriver au mur d'Imaginarium, c'est combien de jours? Quoi? Tu y es jamais allé? Si, bien sûr, mais je me rappelle plus, j'avais pas pris le même chemin, c'était pas pareil. Bah, ça dépend de ce qu'il y aura sur la route, en fait. Ah, des monstres, c'est ça? Non, enfin, pas tant que la règle sonore est respectée. Il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec les sons. Ou bien on peut se retrouver avec n'importe quoi aux fesses, ah, j'ai pigé l'idée. On arrive bientôt au sommet du Mont Echo. Ah, respire-moi un peu cet air pur. Alors, ça vous plaît, chers auditeurs? Que vous imaginez, c'est un peu comme un paysage de Nouvelle-Zélande, hein. La suite, c'est vous qui imaginez, c'est vous les maîtres de cet imaginarium, de toute façon. Bon, on va descendre dans la vallée Nostalgie pour rejoindre ce fameux village. Ouais, mais simple question. Oui. T'as vu cette descente de malade? Bah ouais, et alors? Bah, je pensais que tu réagirais, moi, je sais pas. Regarde, y'a des arbres morts, là-bas. Ouais. Bah, l'écorce, elle sert pas qu'à être bouffée par les castors. Hein? Allez, aide-moi un peu. Bonne idée, Zeluge! On sera au village, on a rien de temps! Ouais! Oh, un tunnel! Oh, attention au rocher! Attention au sapin! Attention au Duncan! C'est quoi ce bug? Moi je sais pas, t'as qu'à lui demander! Oh non, droit devant! Quoi? Oh putain! Oh! Ha! Qui est partant pour un deuxième tour? Désolé. Suis-moi. C'est quand même drôle comment les gens vivent ici, hein. Bon, faut avec, c'est beau comme village quand même. Eh oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans la vallée Nostalgie. Et y'a des autres trucs autour du village? Oui, bien sûr. Y'a la forêt d'Aimrond et y'a les roches de Flystone. Ah, ok. Eh ben ça me plaît tout ça, je crois qu'on va rester quelques épisodes ici, nous. Ouais, on va se trouver une auberge. Mais avant, on va faire un petit tour au marché de la place. Eh, tu peux pas dire plutôt place du marché, comme dans Zelda? Bah non, parce que justement, on n'est pas dans Zelda. Ouais, bon, j'espère qu'il me reste quelques sous. Messire, messire, par ici, venu. Que nous veux-tu, marchand? Vous n'avez pas l'air d'être du coin. Je peux vous renseigner sur les activités de la région. Vous n'aurez pas meilleur guide que moi. Ah ouais, vous êtes une sorte d'office du tourisme, c'est ça? Quoi? Non, mais cherche pas, ils connaissent pas par ici. Ils connaissent juste que... Oui, c'est ça, et je peux vous vendre une carte, messire. Regardez. On est ici. Là, c'est la forêt d'Elwyn. Ici, c'est le petit village Cocorico. Et là, les roches de Flystone. Ouais, elle coûte combien ta camelote? 26 écus, messire. Ah, mais vous payez pas en euros ici? Est-ce que je peux payer par carte au moins? Ben non, désolé, j'accepte pas les cartes. Sauf si c'est celle de la terre du milieu, là, ça peut se négocier. Laisse, moi j'ai de l'argent. Bah, depuis quand t'as des écus, toi? Bah, depuis ma dernière visite ici, j'ai remporté une petite partie de cartes dans la taverne du Dahu, contre ce vieux fling, qui risque pas de l'oublier d'ailleurs. Ah bon, pourquoi? Bah le pauvre était fin ivre, tellement parieur qu'il a fini nu comme un ver. Il a même fini par parier l'une de ses testicules, et il est reparti chez lui en rampant. Je me demande d'ailleurs s'il a trouvé le chemin de sa maison. Oui. Bon, vous me l'achetez cette carte ou pas? Oui, bien sûr, tenez mon brave. En vous remerciant, mes seigneurs. Ça va pas être facile de m'habituer à cette vie. Tu verras, ça vient tout seul. Ah, je savais que j'aurais dû y passer la première fois de toute façon. T'étais passé où, toi? Par les sous-marins. Ah, bah on aura sûrement à en faire aussi. Ah, tant mieux. J'adore les sous-marins. Faudrait qu'on fasse un tour à Rapture si on peut. Ouais, peut-être. Bon, on va essayer d'en profiter un peu. On va se trouver une auberge. Et ce soir, on va à la place. Il y aura une fête. Tu te souviens même de quand ont lieu les fêtes ici? Bah, vie ici, ce sera mieux. Bah non, les fêtes ici, c'est souvent. Et puis, c'est marqué sur ce panneau, là, juste ici. Ah. Oui? Bonjour, madame. Ce serait pour une chambre. Entrez! Je vais regarder si j'en ai une. Ah. Eh, hey, joli comme auberge en tout cas. Gaston! Quoi? Viens me donner un coup de main! J'ai besoin d'une chambre! Sors de la cuisine et aide-moi à virer celui-là! J'arrive! T'es sûr que c'est une bonne auberge, ça? Bah, la fois où j'étais venu, c'était vraiment conseillé. Y a du survivant à avoir un changement de proprio. Ah bon, eh bien, on a une chambre pour deux de libre, pour deux personnes. Je vous laisse vous installer. Ce soir, pour le dîner, c'est patates et choux. Ça vous va ? Oh non, vous inquiétez pas, pour ce soir, ça ira. On ira à la fête. Ah bon, eh bien, bonne soirée, messieurs. Vos lits sont prêts, messieurs. Ah, merci, madame. Oh, sacrée ambiance. Oh putain, y'a de la bouffe. Toutes sortes de plats et vins. Tu vas galérer, y'a trop de monde pour l'instant. Attends un peu que les buveurs soient tous par terre. Ça devrait pas tarder. Ouais, bon, on va essayer de t'amuser un peu en attendant. Qu'est-ce que t'attends pour inviter une villageoise ? Hein ? Je te demande pardon ? Bah, c'est la coutume dans les soirées. Et toi, tu fais pas ça ? Bah, depuis que je me suis tordu la cheville sur le seuil de la porte de notre chambre à l'auberge, c'est un peu compromis. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, allons-y. Bon, et si on essayait de se trouver un guide dans tout ça ? Bonjour, monsieur. Cherche un guide. Vous sauriez pas où je peux en trouver un ? Vous voulez un guide ? Ah ben vous avez de la chance, j'en connais un moi, il est là-bas. Qui ? Lui là ? Non, le petit à côté. Vous vous fichez de moi ? Non, personne ne connaît la région plus que lui. Il peut vous emmener partout, c'est moi qui vous le dis. Ah bon ? Demandez ses services, vous serez point déçu. Ah, ok. Ben merci de votre conseil, monsieur. Ha ha ! Hé ! Mais c'est qu'il se démerde pas mal du tout en danse, le bougre ! Bon, allons voir ce guide. Super! À bientôt, mademoiselle! T'as vu, c'est pas compliqué! T'avais l'air de lui plaire en plus à cette villageoise! Raconte pas des conneries, toi! Ça se voyait à des kilomètres! T'étais rouge comme une tomate! Bon, en tout cas, je nous ai trouvé un guide pour demain. Ah bon, c'est qui? Oui, c'est moi le guide! Smeagol va vous montrer le chemin de la vallée! Sérieux? Tu l'as déniché où celui-là? Bah, c'est tellement cher! Mais la meilleure qualité. Mouais. Et la soirée continue avec les Chevaliers d'Émeraude, un groupe qui va vous emmener très très loin. 1, 2, 3, 4. Ah. Ouais, ça aussi c'est une coutume. Bon, veillons pas trop tard, on aura une dure journée au prochain épisode. Ouais, ok. Oui, au prochain épisode. Ta gueule.